À l'occasion de la journée de Sengun, la maison d'édition péruvienne Corporación General SAC a fait paraître en brochure le 20 août l'œuvre classique du général Kim Jong-il, le renforcement de l'armée populaire et le gage fondamental pour l'achèvement fructueux de la cause révolutionnaire du Tse.